Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Tu es un petit tout nu est une honte. Mais qui oserait tuer un petit tout nu, un petit d'homme? Certainement pas les loups. Les loups sont un peuple libre. Libre ou pas, il existe dans la jungle une loi, la loi de la jungle par définition. Et que dit-elle cette loi de la jungle lorsque l'on trouve un petit d'homme tout nu? A-t-il jamais existé une louve nourrissant un petit d'homme? À Rome, peut-être. Dans la jungle, il fallait Rudyard Kipling pour nous l'apprendre. Et la jungle est immense, et Mowgli est tout petit. Tuer l'homme alors qu'il est le plus faible des vivants, il est indigne de l'attaquer. À lui plus tard d'apprendre à ne jamais tuer pour le plaisir. En 1960, une série mettait en scène Mowgli parmi les loups. Mowgli, cette petite grenouille. En voici le premier volet, diffusé pour la première fois sur France 2 régionale le 25 mai 1960. Le livre de la jungle de Rudyard Kipling, adaptation de Muse d'Albret, d'après la traduction de Fabulet et Dumière. Ce serait faire injure à l'auditeur que de lui présenter Rudyard Kipling. Rappelons seulement que le livre de la jungle parut en 1894. Son succès, qui fut presque immédiatement universel, ne s'est jamais démenti. On ne cesse de le rééditer. Mais c'est la première fois que l'autorisation est accordée de porter sur les Andes les aventures de ce petit d'homme égaré dans la jungle, nourri par une louve, adopté par un clan de loups. C'est démêlé avec Shere Khan, le tigre, avec le peuple singe, avec le peuple du poison, avec les hommes, qui ne valent guère mieux, et l'incomparable amitié qui l'unit à l'ours Balou, à Bagheera, la panthère noire, à Akela, le vieux loup solitaire, que chacun de nous dans son enfance a rêvé d'avoir pour ami. Nous espérons, par cette présentation uniquement auditive, ne pas trop décevoir les innombrables lecteurs qui n'ont pas manqué de rêver et ainsi de recréer, chacun à sa manière, les personnages de Kipling. Et nous vous prions d'écouter la première de ces 8 émissions, Mowgli, recueilli par les loups, dans laquelle le petit d'homme n'est encore qu'un bébé. Toi, Perlou. Qu'y a-t-il, Merlou? Écoute. T'as baqué le chacal. Que vient faire ici ce lèche-plat? Écoute et vois. Moi, je veille sur nos bébés. Je ne quitterai pas ce chacal du regard. Il est trop lâche pour mordre. Sauf si la rage le prend soudain. Allons, poussez-vous les petits dans le coin, là, au fond. Bonne chasse, ô Perlou, bonne chasse! Et forte dents blanches à tes nobles enfants! Puissent-ils n'oublier jamais en ce monde ceux qui ont faim? Tu as faim? Hélas! Entre et cherche. Il n'y a rien à manger ici. Pour un loup, non, mais pour moi, mince personnage, un os sec est un festin. Et que sommes-nous, nous autres, le peuple chacal, pour faire la petite bouche? Oh! Oh, un os de chevreuil où il reste quelques viandes. Oh, merci, Perlou, pour ce bon repas que je vais faire. Ne commets pas l'erreur, Tabaki, de prendre la patte d'un de mes petits pour un os déjà rongé. Oh, Merlou, je ne regarde. Tu connais ma prudence. Je sais que l'on t'appelait hier encore Raksha le démon, et je constate avec plaisir que la maternité n'a pas atténué ta vivacité. Il faudrait que je fusse vraiment sot ou saisi par la folie pour confondre un os de chacal déjà rongé avec la patte d'un de tes petits. Permets que je les regarde. Ah. sont-ils beaux, ces nobles enfants? Et combien sont-ils? Quatre. Quels grands yeux! Et si jeunes, pourtant! Je devrais me rappeler en effet que les enfants des rois sont maîtres dès le berceau. Tabaki! Perlot? Il n'y a rien de plus fâcheux que de louer des enfants à leur nez. Oh! Pardonne-moi, j'oubliais! Vous autres, les loups du clan de Sions, vous avez des principes d'éducation. Mais nous autres, du peuple chacal, nous ne sommes que d'humbles mangeurs de restes. Non point de grands chasseurs, mais des colporteurs de nouvelles. À propos, Shere Khan, le grand tigre rayé de la Waangunga, a changé de terrain de chasse. Il va chasser la prochaine lune, m'a-t-il dit, sur ces collines-ci. Il n'en a pas le droit. Mais par la loi de la jungle, il n'a pas le droit de changer ses battues sans avertir, bien et dûment. Est-il une loi pour le seigneur tigre? La loi est la même pour tous. Shere Khan va effrayer tout le gibier. À trois lieues à la ronde, et moi? Moi, j'ai à tuer pour deux ces temps-ci. Sa mère ne l'a pas appelé le boiteux pour rien. Il boite d'un pied depuis sa naissance. Mais c'est pourquoi il n'a jamais pu tuer que des bestiaux. Aussi, les villageois de la Waangunga sont irrités contre lui. Et maintenant, il vient irriter ceux du village en bas. Et ils fouilleront la jungle à sa recherche. Il sera loin, lui. Mais nous, et nos enfants, il nous faudra courir quand les hommes allumeront l'herbe. Vraiment. Nous sommes très reconnaissants à Shere Khan. Lui parlerai-je de votre gratitude? Oust! Va-t'en chasser avec ton maître. Tu as fait assez de mal pour cette nuit. Je me retire, Perlot. Vous pouvez entendre Shere Khan en bas dans les fourrés. J'aurais pu me dispenser du message. Ah, l'imbécile! Comment as-tu un travail de nuit par un vacarme pareil? Penses-tu que nos chevreuils sont comme ces veaux gras du village de la Waangunga? Chut! Ce n'est pas le bœuf ni le chevreuil qu'il chasse cette nuit. C'est l'homme. L'homme? Oh. N'y a-t-il pas assez de grenouilles dans les citernes qui lui faille manger l'homme? Mais sur notre terrain encore! La loi de la jungle, qui n'ordonne rien sans raison, défend à toute bête d'attaquer l'homme. Sauf lorsqu'elle tue pour montrer à ses enfants comment on tue. Et dans ce cas, elle doit chasser hors des réserves de son clan ou de sa tribu. Je connais la loi, Perlot. Et je connais les raisons de la loi. Les raisons? La raison vraie est que meurtre d'hommes signifie tôt ou tard invasion d'hommes blancs, montés sur des éléphants et armés de bâtons de fer, qui tuent au loin dans un bruit de tonnerre. Et d'hommes bruns par centaines, munis de gongs et de torches. Alors, tout le monde souffre dans la jungle. La raison noble que les bêtes se donnent entre elles, c'est que l'homme étant le plus faible et le plus désarmé des vivants, il est indigne d'un chasseur d'y toucher. Nous disons aussi, et c'est vrai, que les mangeurs d'hommes deviennent galeux, perdent leurs dents. Écoute! Il a manqué son coup. Regarde. Un imbécile a eu l'esprit de sauter sur un feu de bûcheron et s'est brûlé les pieds. Un tabaquier est avec lui. Quelque chose monte la colline. Ce n'est pas une odeur de jungle. Tiens-toi prêt, Perlot. Un homme. Un petit homme. Regarde. Est-ce un petit homme? Vous n'en avez jamais vu? Apporte-le ici, dans notre gîte. Oh, qu'il est mignon. Comme il est nu. Et qu'il est brave. Oh, il se pousse parmi mes petits. Et comme il est malin, il est tout de suite venu vers moi. Il a tout de suite trouvé où prendre son repas. Ainsi, c'est un petit homme. A-t-il jamais existé une louve qui puisse se vanter d'allaiter un petit homme en même temps que ses propres enfants? J'ai parfois entendu parler de semblables choses, mais pas dans notre clan, ni de mon temps. Il n'a pas un poil. Je pourrais le tuer en le touchant du pied, mais il me regarde. Il n'a pas peur. Il rit. Monseigneur, il est entré ici, monseigneur. Shere Khan nous a fait grand honneur. Que veut Shere Khan? Ma proie. Un petit homme a pris ce chemin. Ses parents se sont enfuis. Donnez-le-moi. Les loups sont un peuple libre. Ils ne prennent d'ordre que du conseil supérieur du clan. Ils n'ont point d'aucun tueur de bœuf, plus ou moins rayé. Le petit homme est à nous. Pour le tuer, s'il nous plaît. S'il vous plaît? Quel langage est cela? Par le taureau que j'ai tué? Était-ce bien un taureau? Dois-je attendre le nez dans votre repère de chien lorsqu'il s'agit de mon dû le plus strict? C'est moi, Shere Khan, qui parle! Et c'est moi, Merlouf, qui vais te répondre. Le petit homme est mien, tigre boiteux, le mien, à moi. Il ne sera point tué. Il vivra pour courir avec le clan, pour chasser avec le clan. Et prends-y garde, chasseur de petits tout nus, mangeur de grenouilles, tueur de poissons. Plus tard, il te fera la chasse à toi. Maintenant, sors d'ici. Ou par le cerf d'Icor que j'ai tué seul, car moi je ne me nourris pas de bétail mort de faim. Tu retourneras à ta mère, bête brûlée de jungle. Plus boiteux que jamais tu ne vas au monde. Attends. Ah, mère Louve, Louve de ma jeunesse que je gagnais contre saint loup adulte. Ce n'est pas par pure politesse qu'on te nomme Raksha le démon. Et toi, Shere Khan, tu ferais bien d'écouter, mère Louve. Tu n'as pas l'avantage ici. L'entrée de ma caverne n'est pas assez large pour tes épaules. Et ta gorge est bien nue. Tu crois que je ne te tirerai pas tête? Nous sommes deux, Shere Khan. Et tu n'ignores pas que pour sauver ses petits, une louve sait combattre à mort. Chaque chien aboie dans sa propre cour. Nous verrons ce que dira le clan et comment il prendra cet élevage de petits hommes. Cette proie est à moi et il faudra bien qu'elle tombe sous ma dent. Voleur à queue touffée. Nous verrons, Shere Khan. Sur ce point, Shere Khan a raison. Le petit doit être montré au clan. Veux-tu encore le garder, mère Louve? Si je veux le garder, il est venu tout nu, la nuit, seul et mourant de faim. Et il n'avait même pas peur. Regarde, il a déjà poussé un de nos bébés de côté. Si je le garde, assurément je le garde. Couche-toi là, petite grenouille. Oh, toi, Mowgli. Car Mowgli la grenouille, je veux t'appeler. Le temps viendra où tu feras la chasse à Shere Khan, comme il t'a fait la chasse à toi. Mais que dira notre clan? Chaque loup peut se retirer du clan. Mais aussitôt ces petits assez âgés pour se tenir sur leurs pattes, il doit les amener au conseil du clan afin que les autres loups puissent les reconnaître. Jusqu'à ce que les petits aient tué leur premier daim, il n'est pas d'excuse valable pour le loup adulte et du même clan qui tuerait l'un d'entre eux. Comme châtiment, c'est la mort pour le meurtrier, où qu'on le trouve. Et si tu réfléchis un peu, mère loup, tu verras que cela est juste. Je connais la loi, ô père loup. Mowgli la grenouille est mon fils, le cinquième. Je ne l'ai pas porté, mais je le nourris. C'est tout comme. Le clan se réunit à la pleine lune au rocher du conseil. Je veux que le peuple libre reconnaisse Mowgli la grenouille pour l'un des siens. Jusqu'à ce qu'il ait tué son premier daim. Pas plus, pas moins. Le conseil décidera, mère Louve. Car la force du clan, c'est le loup. Et la force du loup, c'est le clan. Connaissez la loi, ô loup. Vous connaissez la loi. Nous connaissons la loi, ô Akela, notre chef. Mais ceux qui n'avaient pas encore tué leur premier daim à la dernière lune, la connaissent-ils? Nous la leur avons enseignée. Pour qu'il n'y ait pas le moindre doute dans l'esprit des jeunes loups, je redirai la loi. Regardez bien, ô loup. Regardez ces petits que leurs parents vont amener devant le rocher. jusqu'à ce qu'ils aient prouvé qu'ils peuvent se suffire à eux-mêmes en tuant leur premier daim, vous leur devez assistance, comme s'ils étaient vos propres petits ou vos frères de Lito. Quiconque se prendra le querelle avec l'un d'entre eux et le tuera ou seulement le blessera, sera puni de mort. C'est la loi. La loi est juste. Oui, oui, oui. Et maintenant, regardez. Regardez-les pour les reconnaître. Regardez bien, ô loup. Tous mes poils se hérissent, père loup. Je suis avec toi, Merlou. Pousse nos petits dans le cercle, mais ne lâche pas ma petite grenouille. Je ne quitterai pas mon blé d'une longueur de patte. Que la lune l'éclaire en plein pour qu'on le reconnaisse. Regardez. Regardez bien, ô loup. Qu'est-ce que c'est ? Un petit sans poil. Un petit homme. Un petit homme ? Tenez. Ce petit est mien ! Donnez-le-moi ! Le peuple libre, qu'a-t-il à faire d'un petit homme ? Le peuple libre, qu'a-t-il à faire des ordres de quiconque, hormis de ceux du peuple libre ? J'ai dit, ce petit est mien ! Akela ! Que dit le peuple libre ? Le peuple libre, qu'a-t-il à faire d'un petit homme ? Père loup. Père loup. Ce sera mon dernier combat. Attends encore. La loi ! Akela, que dit la loi ? En cas de dispute sur les droits d'un petit à l'acceptation du clan, la loi de la jungle exige que deux membres au moins du clan qui ne soient ni son père ni sa mère prennent la parole en sa faveur. Qui parle pour celui-ci ? Qui parle pour le petit d'homme ? Du peuple libre, qui parle ? Petit d'homme... Balou, l'ours Balou. Petit d'homme, c'est moi qui parle pour le petit d'homme. Un ours n'est pas un loup. Un ours n'est pas un loup, mais Balou fait partie du clan. C'est lui qui enseigne nos petits. Oui, moi, Balou, l'ours brun, je parle pour le petit d'homme. Il n'y a pas de mal dans un petit d'homme. Laissez-le donc courir avec le clan, qu'on l'enrôle parmi les autres. C'est moi-même qui lui donnerai des leçons. Balou a parlé, et c'est lui qui enseigne nos petits. Nous avons besoin de quelqu'un d'autre. Qui parle avec Balou ? Qui parle avec Balou ? Oh, Akela ! Bagheera ! La panthère ! La panthère noire ! La panthère ! Et vous, peuple libre ? Je n'ai nul droit dans votre assemblée. Mais la loi de la jungle dit que s'il s'élève un doute dans une affaire, en dehors d'une question de meurtre, à propos d'un nouveau petit, la vie de ce petit peut être rachetée moyennant un prix. Et la loi ne dit pas qui a droit ou non de payer ce prix. Ai-je raison ? Oui, oui, oui. Bagheera, écoutons, Bagheera. Le petit peut être racheté. C'est la loi. Oui. Parle, Bagheera. Quel prix proposes-tu ? Parle. Que dit Akela ? Le chef solitaire. Bagheera, la panthère noire, a dit la loi. Parle donc, Bagheera. Tuer un petit tout nu est une honte. Je dis bien, une honte. En outre, celui-ci pourra nous aider à chasser mieux quand il sera d'âge. Balou a parlé en sa faveur. Aux paroles de Balou, j'ajoute l'offre d'un taureau. D'un taureau gras, fraîchement tué. Si vous acceptez le petit d'homme conformément à la loi, y a-t-il une difficulté ? Non, non, aucune, non, aucune. Après tout, quel mal peut nous faire cette petite grenouille ? Il mourra sous les pluies de l'hiver. Il sera grillé par le soleil. Nous acceptons, Bagheera. Où est le taureau ? Le taureau ! Le peuple libre accepte-t-il le petit d'homme ? Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Regardez, regardez bien, ô loup. Le prix, Bagheera. Le taureau, oui, le taureau fraîchement tué. Le taureau. À 600 mètres, droit sur l'est, dans le fourré, au pied de l'arbre d'Ac. Cher Khan, le peuple libre a parlé. Le petit homme appartient au clan. Et jusqu'à ce qu'il ait tué son premier daim, nul ne l'attaquera sous peine d'avoir à ses trousses pour une course à mort tout le clan des loups de Sion. J'aurai ma revanche, Akela. Bonne chasse, cher Khan. Ouais, tu peux rugir, cher Khan. Car le temps viendra où cette petite chose nue te fera rugir sur un autre ton. Où je ne sais rien de l'homme. Nous avons bien fait Les hommes et leurs petits sont gens très avisés. Le moment venu, celui-ci pourra se rendre utile. C'est vrai. Le moment venu, qui sait, on aura besoin de lui. Car personne ne peut compter mener le clan toujours. Je sais, Bagheera. Le temps vient pour chaque chef de clan où sa force l'abandonne et où, plus affaibli de jour en jour, il est tué à la fin par son peuple et remplacé par un nouveau chef. Tué plus tard à son tour. C'est la loi. Et la loi est juste. La loi est juste, Balou. Que veux-tu, Mère Louve ? J'appartiens au peuple libre. Et le peuple des loups est fier. Cependant, j'ai contracté une dette envers l'ours Balou et Bagheera la panthère. Je ne sais comment je pourrais la quitter. Qu'ils sachent toutefois l'un et l'autre que la reconnaissance ne m'est pas un fardeau. Bien parlé, Mère Louve. Emmène ton petit. Mais comment l'appelles-tu déjà ? Mowgli la grenouille. Emmène ta petite grenouille et dresse-la comme il sied à un membre du peuple libre. Le temps est venu. Je lui enseignerai la loi. Et j'ai dans l'idée que s'il y a dette, c'est Mowgli qui paiera ta dette. Oh, Mère Louve. Sur ce, bonne chasse à tous. Bonne chasse. Bonne chasse à tous. Bonne chasse à tous qui gardez la loi de la jungle. Bonne chasse. Ma petite grenouille. Attends que je m'allonge. Là. Il y en a pour vous aussi, mes louveteaux. Il y en a pour tous. Là, là, ne bousculez pas, mon petit dôme. Ton petit dôme n'a pas l'air de redouter ses frères de lait. Ni ses frères de lait, ni personne. Tu l'as vu au rocher du conseil promener son regard tranquille sur l'assemblée des loups. Le moindre louveteau commence par trembler devant les seigneurs de la jungle. Lui, il n'a pas baissé les yeux devant Shere Khan, ni devant Balou, ni devant Bagheera. Le clan le protège. Mais sait-il, comprend-il que le clan veille sur lui ? Qu'il le sache ou non, peu importe. Tous lui doivent assistance, jusqu'à ce qu'il ait tué son premier daim. Ça ne pousse pas vite, un petit dôme. D'ici que Mowgli attrape son premier daim à la course, mes quatre autres fils seront des loups depuis longtemps adultes. Ils m'aideront à chasser pour lui. J'ai ouï dire que l'homme n'aime pas la chair fraîchement tuée, qu'il la trempe dans la fleur rouge pour la cuire et la rôtir. Et la jungle redoute la fleur rouge. Que mangera mon petit dôme lorsque mon lait sera tari ? J'ai vu les hommes en bas dans le village fouiller les ruches du petit peuple ailé, gauler des fruits aux arbres, cueillir de l'herbe, gratter la terre pour en tirer leur nourriture. Nous demanderons à Balou d'apporter à Mowgli du miel, des mangues, des noix et des racines. C'est augmenter la dette envers Balou. Si je connais bien Balou, il sera payé largement par la joie qu'il aura d'enseigner la loi au petit homme. Nos louveteaux ne veulent savoir que ce qui concerne le clan ou la tribu. Mais l'homme est curieux. Celui-ci voudra tout connaître. Et c'est bien ce qui me fait peur. Jamais je n'ai senti pour aucun de mes petits l'inquiétude que j'éprouve pour celui-ci. Songe, Perlot, il est tout nu. Il n'a de poils que sur le dessus de la tête. Ses dents commencent à peine de pousser. Ses griffes sont menues et fragiles. Comment pourra-t-il prospérer dans la jungle ? Je veillerai. Le clan veillera. Aujourd'hui, mais plus tard. À défaut d'autres connaissances, je lui enseignerai la loi du clan, l'ordre du clan, les droits et les nécessités du peuple libre. Je lui apprendrai ce que tous savent dans la jungle. Le sens de chaque frisson de l'herbe, de chaque souffle d'air, de chaque ululement de hibou, de chaque bruit d'écorce égratignée, jusqu'à ce que tout cela soit en lui, fasse partie de lui. Et moi, je lui enseignerai la loi, Bonne chasse, Père Loup. Bonne chasse, Balou. Je lui enseignerai la loi de tous les clans, de toutes les tribus. Et la loi de la jungle, innombrable et unique, qui prime toutes les autres. Commençons tout de suite. Il est trop jeune, Balou. Il tète encore. Croisant ma vieille expérience, Merlouve, l'éducation commence au premier jour. Il est tout petit, c'est un bébé. Il ne comprendra pas. Peu importe qu'il comprenne ou non. L'important, c'est que la loi grave en lui sa parole, profondément. À jamais. La compréhension viendra plus tard. Alors, s'il lui plaît, il jugera la loi. Il jugera la loi ? C'est un petit homme. Mais je ne crains pas pour la loi. En dépit qu'il en ait, il verra que la loi est juste. Allons, Père Loup, commence. Et toi, petite grenouille, écoute. La loi est la loi. Nul n'y peut faillir. Le ciel sait son âge. Elle passe devant et derrière. Comme la liane autour du tronc, elle passe derrière et devant. Le loup qui la garde peut prospérer. Le loup qui l'enfreint doit mourir. La loi est la loi. Est-il éveillé, ce petit? Et attentif? Voyez ses yeux. Mowgli, allons, petite grenouille. Répète, Mowgli. Il sait son nom, il sait déjà son nom, le nom dont on le nomme. Et moi, Balou. Non, Balou. Non, loup, c'est Père Loup. Loup, c'est Merlouve. Moi, Balou. Oh, le meilleur, le plus sage, le plus éveillé de mes élèves, du premier coup, dès la première leçon. Cet enfant, croyez-moi, Père Loup, Merlouve, cet enfant rendra fameux le nom de Balou à travers toute la jungle. Poursuivons. L'essentiel d'abord, l'important. Il est vrai que tout est important. La force du clan, c'est le loup. La force du loup, c'est le clan. Sois net. À l'éclat de la robe, on connaît le chasseur. Sois net. De la queue au museau, de l'ongle à l'œil et plusieurs fois le jour, lave-toi. Sois net. Tu pour ta faim. Tu pour ta faim ou ta défense. Ne tue jamais pour le plaisir. Et cette fois jamais l'homme. Telle est la loi, Mowgli. Mais la jungle est immense et Mowgli est petit. Oh, adorable, adorable enfant. Chère petite grenouille, appelons sur lui la faveur de la jungle. Palme, racine, baie ou miel, garde petit de sort cruel. Par l'eau, le bois, l'arbre et le vent, faveur de jungle va devant. Brume de l'aube, couchant clair, servez le bien, gardien des serres. Par l'eau, le bois, l'arbre et le vent, faveur de jungle va devant. Ciel feuillu, partant froid ou chaud, garde le bien, jungle d'en haut. Par l'eau, le bois, l'arbre et le vent, faveur de jungle va devant. Fente, trou, rive des temps bleus, garde-le, jungle du milieu. Par l'eau, le bois, l'arbre et le vent, faveur de jungle va devant. Herbe par herbe, pas à pas, garde-le bien, jungle d'en bas. Par l'eau, le bois, l'arbre et le vent, faveur de jungle va devant. Vous avez entendu la première émission du Livre de la jungle de Rudyard Kipling dans l'adaptation de Muse d'Albret. Aujourd'hui, Mowgli parmi les loups. Père Loup, c'était Harry Krimer. Mère Louve, Jeanne de Rival. Tabaki le chacal, Maurice Nazil. Sher Khan le tigre, Abid Benglia.